enfin passer l'abattoir. Cette fois-là, ça va mal. Ça ne suffit plus la boîte à mal. Il faut nous introduire dans la serrure pour souder. Tiens mon sac, s'il te plaît.